jeune demoiselle à qui l'on a brisé le cœur car elle n'était pas la plus belle. Par la poussière endormie au fond d'un sous-sol depuis des millénaires. Il y a le vin moisi, pourri, que les années ont vu vieillir. Et même si je suis pas difficile, je n'y poserai pas mon sourire. Mon sourire, oh oh oh oh, wa wa wa wa wa wa. Au creux d'une bouteille, hurrant au fond d'une poubelle, il y a l'âme de cette dernière, pleurant sa vie passée au milieu des déchets infâmes et des mégots écrasés. Infâme et des mégots écrasés. Infâme et des mégots écrasés. Infâme et des mégots. Ah, oh, oh, oh, la la la la la la. Quelques lignes.